Le lendemain, la famille réunie à 8h pour le déjeuner offrit le tableau de la première scène d'une intimité bien réelle. Le malheur avait promptement mis à rapport Madame Grandet, Eugénie et Charles. Nanon elle-même sympathisait avec eux sans le savoir. Tous quatre commencèrent à faire une même famille. Quant au vieux vigneron, son avarice satisfaite et la certitude de voir bientôt partir le Mirliflore sans avoir à lui payer autre chose que son voyage à Nantes le rendirent presque indifférent à sa présence au logis. Il laissa les deux enfants, ainsi qu'il nomma Charles et Eugénie, libres de se comporter comme bon leur semblait, sous l'œil de Madame Grandet, en laquelle il avait d'ailleurs une entière confiance en ce qui concernait la morale publique et religieuse. Dès lors, commença pour Eugénie le primevère de l'amour. Depuis la scène de nuit, pendant laquelle la cousine donna son trésor au cousin, son cœur avait suivi le trésor. Complices tous deux du même secret, ils se regardaient en s'exprimant une mutuelle intelligence qui approfondissait leurs sentiments et leur rendait mieux communs, plus intimes, en les mettant pour ainsi dire tous deux en dehors de la vie ordinaire. La parenté n'autorise-t-elle pas une certaine douceur dans l'accent, une tendresse dans les regards? Aussi Eugénie se put-elle à endormir les souffrances de son cousin dans les joies enfantines d'un naissant amour. L'enfance et l'amour furent même chose entre Eugénie et Grandet. Ce fut la passion première, avec tous ses enfantillages, d'autant plus caressants pour leur cœur qui s'était enveloppé de mélancolie. Charles comprit la sainteté de l'amour, car la grande dame, sa chère Annette, ne lui avait fait connaître que les troubles orageux. Il descendait dès le matin afin de pouvoir causer avec Eugénie quelques moments avant que Grandet ne vienne donner les provisions. Et quand les pas du bonhomme retentissaient dans les escaliers, il se sauvait au jardin. La petite criminalité de ce rendez-vous matinal, secret même pour la mère d'Eugénie, et que Nanon faisait semblant de ne pas apercevoir, imprimait à l'amour le plus innocent du monde la vivacité des plaisirs défendus. Puis, quand après le déjeuner, le père Grandet était parti pour aller voir ses propriétés et ses exploitations, Charles demeurait entre la mère et la fille, éprouvant des délices inconnus à leur prêter les mains pour dévider du fil et les voir travaillant, à les entendre jaser.